be dead by Swansea. Radio Alpha, France Culture. En direct, Claude Ollier, Georges Perrault. Voilà, je vous ai laissé entendre quelques instants la rumeur de la foule, les cris, l'ambiance joyeuse de l'attente par cette belle journée chaude, ce ciel pur, ce soleil éclatant, radieux, éclatant, dis-je, qui se reflète sur les vitres de l'immeuble, éclatant de l'autre côté de l'avenue, alors que je suis juché sur la plus haute marche de l'escalier de marbre qui mène au mémorial Nobel, Square Nobel, au pied duquel, d'une minute à l'autre, le cortège doit passer incessamment, oui, traversant la ville en liesse, vous l'entendez, dont les habitants, par ce jour de fête, vous entendez, vous tous qui êtes à l'écoute, moi-même qui vous parle, tous nos concitoyens, cette journée exceptionnelle, ont tenu à faire suivre de leurs acclamations celles qui, déjà dans les villes voisines, se sont élevées enthousiastes au passage du même cortège et de son même héros, sous le même ciel glorieux, la même lumière vive de notre province en ce dimanche d'été. Cette atmosphère fraternelle, cette fière kermesse unanime où l'enjouement se donne libre cours, où l'élan national dans l'attente du personnage prestigieux vers qui les ovations vont bientôt s'élever, vibrantes. On entend des cris, vous les entendez comme moi. La rumeur de la foule croît, vous l'entendez croître. Des coups de sifflet retentissent, vous les entendez. Mais voici que la première voiture débouche. La première voiture. Ah non, non, non, il n'y a toujours rien. Sur la chaussée, là-bas, à l'angle de l'avenue, tout se passait comme si la tête du cortège allait apparaître au loin. Là, là-bas, au coin de la place, la première voiture s'engageait sur la chaussée déserte entre deux haies. Mais non, c'est une fausse alerte. Armons-nous de patience, une courte patience, car il ne saurait tarder à présent. Je regarde ma montre, l'horaire est déjà dépassé de quelques minutes. Retard sans conséquence pour qui est livré à l'attente par ce temps serein, je vous l'ai déjà dit, resplendissant. Et ce ciel pur, ciel bleu dégagé, soleil éclatant, vitres aveuglantes de lumière, ici en plein midi, au centre d'Hauteville. Et c'est vraiment le temps rêvé, oui. On ne pouvait rêver tant plus propice à la visite de l'amiral dans notre ville. De l'amiral qui, pour la première fois, honore notre cité de sa présence. Et l'accueil de Hauteville sera, nous l'espérons tous, et déjà, nous en sommes persuadés par cette journée superbe à la mesure du prestige, de l'admiration, de l'affection qu'il rencontre dans le cœur de chacun de nous, quelles que soient par ailleurs ses professions de foi. Ainsi, partout aux fêtes, des drapeaux, des banderoles. Non, d'ailleurs pas tellement de drapeaux, de banderoles, mais la foule est venue nombreuse, assez nombreuse. Et se presse sur les trottoirs, sur les frondaisons des acacias, des frênes. C'est, on dirait plutôt des... Oui, on dirait des frênes, ou des mûriers, des grenadiers, oui. Des grenadiers, des palmiers plantés tout autour du rond-point et du monument qui le domine sur les hautes marches de marbre de l'escalier duquel je suis grimpé, comme je vous le disais tout à l'heure, et d'où... J'ai la meilleure vue possible, la plus complète, la plus vaste. Sur les abords de la place, l'avenue Nobel à droite, à gauche, le boulevard de la Constitution qui descend et passe sous le canal avant de remonter vers la gare et de... Ah ! Mais je crois bien que maintenant... Ah non, toujours rien. Patientons, patientons, c'est un jour de vacances. Partout. Fini les cauchemars, vos rêves seront toute douceur, vos rêves seront stabilisés. Rêvez en couleurs tendres, rêvez en marge de l'actualité, rêvez hypnomatique. Ils sont venus acclamer le cortège, ils se tiennent là tout près au premier rang évidemment, de petits drapeaux à la main, l'ambiance est toute de gaieté, c'est étonnant, c'est merveilleux. Vous avez pu suivre en direct tout à l'heure, fidèles amis de Radio Alpha, l'arrivée de l'amiral à l'aérodrome et l'aérodrome Marceau, et puis sa réception par les autorités au Palladium municipal, et c'est maintenant la traversée de Hauteville entre deux haies de citoyens enthousiastes. Vous entendez, c'est délirant. Ils ont mis un point d'honneur à fêter dignement, chaleureusement, le chef de l'État tout au long du parcours, à travers notre merveilleuse cité, au balcon, sur les toits, en plein soleil, nous à l'ombre des palmiers, des mûriers, des acacias, des grenadiers, je ne sais plus. L'amiral dont la haute stature se détachera bientôt au tournant de l'avenue sur le fond noir de la banquette arrière de la somptueuse limousine noire décapotée dans laquelle ont pris place également son épouse, le maire de Hodgeville et l'épouse de ce dernier. Enthousiasme sincère, n'en doutons pas, en dépit de ses vues politiques qui, pourquoi ne pas le reconnaître, ont bien souvent jeté le désarroi dans les esprits. Mais ainsi va la marche des idées, ainsi va la en ce moment sur l'itinéraire que cette semaine toute la presse a publié, très brisé, transversal dans la lumière crue de ce jour d'été torride. C'est le sud ici, nous en sommes fiers et l'atmosphère pétille d'allégresse dans notre bonne ville surchauffée. Ah mais voici que débouche sur la place une motocyclette de la police montée par deux agents, enfin par un agent veux-je dire, immédiatement suivi de la voiture présidentielle qui roule. C'est toujours la même chose, beaucoup trop vite pour qu'on ait le temps de la décrire à souhait. Elle a déjà tourné, elle se dirige vers nous. L'amiral salue de ses deux bras tendus la foule qui l'acclame. Son sourire est éclatant, son épouse est rayonnante, elle salue elle aussi. Le maire salue, le maire sourit, l'épouse du maire sourit. Salue le chauffeur, non, mais la longue voiture noire arrive déjà au pied du monument. Elle passe là, tout en bas, au pied, là. Mais l'amiral porte la main à son front. Il semble... La voiture a accéléré brusquement. Les policiers se précipitent. L'amiral chancelle. Il s'écroule sur la banquette. Je ne sais pas ce qui se passe. Mon Dieu. Mais la voiture est loin. Déjà, elle disparaît sous le pont du canal. Là-bas, sur le parapet, en plein soleil éclatant, le reflet de... Allô? Allô, Fuller? Fuller? Allô, vous m'entendez, Fuller? Ah, je ne sais pas ce qui se passe. Il ne semble pas que nous ayons été coupés. J'espère que Fuller va revenir en ligne d'un moment à l'autre et pourra continuer son reportage. Reportage qui vient de prendre, vous l'avez entendu, une tournure dramatique. Nous en sommes tous stupéfaits ici à la rédaction et bouleversés comme vous pouvez l'être. Nous ne savons pas ce qui est arrivé exactement. Nous n'en savons pas plus que vous. Nous essayons de rentrer en communication avec la place Nobel. Alors veuillez donc rester à l'écoute et patienter quelques instants. Je pense que nous serons en mesure très bientôt de vous donner des nouvelles et de reprendre notre transmission. Arrêtez-moi ça tout de suite, vous dormez. Je veux pas. Allez, mettez quelque chose de circonstance, nom de Dieu. Mais que se passe-t-il? Fuller s'est trouvé mal? Mais on n'y comprend rien, monsieur Green. Ma liaison est bonne, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Allô? Allô, Fuller? Fuller? Allô, Fuller? Mais oui, je vous entends très bien. Qu'est-ce qui arrive? Où est passé Fuller? Je sais pas, moi. J'ai dû ouvrir sur le trottoir en bas. J'ai vu l'archer micro tout d'un coup se mettre à courir. Il a descendu toute la pelouse en courant comme un fou. Et il a même pas fait signe. Mais où est-il parti? Je sais pas, moi. J'ai dû ouvrir en tout genre en direction du canal. C'était tout de suite après les coups de feu. Je sais pas ce qu'il a voulu partir comme un fou. Il avait son magnétophone, au moins. Ah, il a toujours sur lui. Allô, allô, allô. Ernst, dites-moi, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, comment se fait-il que vous soyez là? C'est place de la liberté, que vous avez dit d'aller. Ah, c'est Fuller qui a changé d'avis au dernier moment. Il m'a dit, allez, Ernst, par Nobel, tout de suite, on change de quartier. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Bah, je sais pas, moi. Je crois qu'un type l'a appelé au téléphone, le Café de la Liberté. Je lui ai revu en courant, il m'a dit, allez, Ernst, par Nobel, tout de suite, on change de quartier. Bon, ben, on verra ça plus tard. Qu'est-ce que vous avez vu, vous? Vu? Mais oui, quoi, de l'attentat. L'attentat? Mais bon, sans quoi les coups de feu? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je sais pas, moi, j'ai entendu des coups de feu. Les voitures sont parties en trombe, tout le monde s'est mis à crier. Les policiers sont en train de barrer les rues, ils montent dans toutes les maisons, ils posent des tentes. Ernst, écoutez-moi. Oui. Écoutez-moi. Voilà ce que vous allez faire. Vous partez immédiatement voir ce qu'est devenu Fuller, hein, et vous me le ramenez de force au micro, hein? Ah, mais je ne peux pas laisser ma voiture comme ça au milieu de cette colline. Écoutez, laissez votre voiture où elle est. Et ramenez-moi Fuller, et dépêchez-vous. Que faire dimanche? Que faire dimanche? Mais Cinétrust fait tout pour vous distraire. Cinétrust quadrille vos loisirs. Cinétrust donne le change à vos idées. Assez de sujets graves. Une farce, un burlesque, mais au cinquième degré. Avec Viol sous anesthésie, la dernière production de l'omnium réformiste des télépathes fumeux. Enfin, Fuller ne vous a rien dit en quittant la place de la Liberté. Ben non, rien. Simplement, on va square Nobel, on change de quartier. Pas d'explication. Pas d'explication. Elle a eu du nez quand même pour ses débuts. En direct. Monsieur Grimm, le chef des informations vous prie de monter d'urgence dans son bureau. Alors, si Fuller rentre en ligne, passez-le immédiatement. D'accord. Ah, j'oubliais. Envoyez la voiture numéro 1 à l'hôpital et la 2 au commissariat central. Oui, oui. C'est déjà fait, monsieur Grimm. Entrez. Que viens-je d'apprendre, Grimm? Un attentat contre l'amiral? Comment, docteur Hobby? N'avez-vous pas suivi? Mais non, mon pauvre ami, tous ces maudits papiers. Je suis débordé. J'avais coupé. Alors, racontez-moi. Fuller l'a eu en direct, docteur Hobby, l'attentat en direct. Ah, mais voilà qui est remarquable, Grimm. Remarquable, félicitations. Ainsi, c'est place de la Liberté que cette chose affreuse... Mais non, justement, pas du tout. Fuller était parti square Nobel. Square Nobel? Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Il semble qu'il ait brusquement décidé de changer d'endroit à la suite d'un coup de téléphone qu'il aurait reçu dans un café, juste avant... Un coup de téléphone? Et de qui? Ça, je n'en ai pas la moindre idée. Le chauffeur n'avait pas l'air de le savoir non plus. Le chauffeur? Mais Fuller lui-même, que dit-il ? C'est que je n'ai pas encore pu joindre Fuller, précisément. Et pourquoi donc, mon cher ? Pourquoi ? Fuller a disparu. Disparu ? Ernst vient de rappeler. Il n'a pas pu trouver Fuller. Il reste en attente Square Nobel. Il est parti en courant, juste après les coups de feu. Il a tout planté là et s'est précipité vers le canal. Je suppose qu'il a aperçu quelque chose d'intéressant ou quelqu'un. Je ne sais pas, moi, un témoin. Et ça fait combien de temps, maintenant ? 7 à 8 minutes, je pense. Quand même. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Quelle nouvelle de l'amiral? Aucune, jusqu'à présent. Réévaluez vos ambitions, ménagez vos réserves, participez au grand boom de l'austérité. Pensez bien pour penser moins. L'universel du rêve déconnectera vos facultés. Mais enfin, qui est venu l'appeler dans la voiture? Quelqu'un du café? Comment voulez-vous que je le sache? Ernst lui-même. Un communiqué de l'hôpital. L'état de l'amiral est jugé très grave. Une intervention chirurgicale est en cours. Faites diffuser. La 1 est sur place et demande l'antenne. Donnez-la lui tout de suite après. Fuller vient juste d'être titularisé, n'est-ce pas, Grimm? Tout juste. C'est sa seconde mission. Il a fait le gala du rire dimanche dernier. En réalité, c'est son premier vrai reportage. Et mon Dieu, il ne se débrouille pas mal pour un nouveau. Tout feu, tout flamme. Dame, un attentat en direct. C'est une excellente chose pour le réseau. Ce n'est pas tous les jours... Allô, le studio, ici Ford. Je me trouve en ce moment à l'hôpital Barnhart où, voici une dizaine de minutes à peine, la voiture présidentielle a fait irruption à toute allure. Un service d'ordre important garde les accès du bâtiment. Dehors, dans la cour, une foule déjà nombreuse s'est rassemblée, silencieuse. On ne peut pas dire que les visages soient tristes, les gens sont stupéfaits, ahuris de ce qui arrive. Personne ne peut croire encore à la nouvelle qu'un attentat a été commis contre le chef de l'État. Ça ne fait pas loin d'un quart d'heure maintenant. Il avait son magnétophone, j'espère. Il a toujours son magnétophone sur lui. Fuller appelle. Je vous le passe. Allô, ici Fuller, vous m'entendez? Très bien, Fuller, très bien. Où êtes-vous? Je suis dans un bar de la banlieue sud. Je voulais vous appeler plus tôt, mais c'était pas possible. Il a marché sans arrêt depuis tout à l'heure. Je commençais à me demander s'il allait continuer longtemps comme ça. Heureusement, il a eu soif. Il a hésité un peu devant la porte, mais il n'a pas pu y tenir. Il est entré finalement, il est en train de boire un whisky. Mais qui ça, il? Mais celui que j'avais pris en chasse depuis le square Nobel. Et il marche bon train, croyez-moi. Par cette chaleur, j'ai eu un mal à le rattraper. J'y avais pas hésité, j'ai pas réfléchi d'ailleurs. J'étais déjà en train de courir après lui quand je me suis avisé que j'avais laissé tomber mon micro. Mais j'ai tout de suite pensé que ce que je pourrais dire sur ses allées et venues serait diablement plus intéressant que ce que j'aurais raconté si j'étais resté bêtement là-bas à décrire les flics en train de s'affoler, de siffler dans tous les sens et d'arrêter les gens au hasard au lieu de se diriger comme moi du bon côté. Mais comment? Mais il faut dire que j'ai été servi par les circonstances. Là où j'étais grimpé, c'est certainement moi qui avais la meilleure vue sur la place et les alentours. C'était un fameux poste d'observation. Mais qui vous avez qui? Mais encore fallait-il regarder justement du bon côté au moment voulu. Et ça, c'est encore la chance. Mais quoi, bon sang, de quel côté? Mais du côté du canal. Il suffisait de tourner la tête à gauche juste à ce moment-là. Moi, je crois que c'est le reflet qui m'a alerté, comme un éclair. Le reflet du soleil sur le métal, au moment où il l'a relevé. Le métal? Mais l'arme! Ce qu'il en a fait, ça je ne sais pas. Il a dû l'acheter dans le canal. En tout cas, quand je l'ai aperçu de nouveau sur le boulevard de l'autre côté du tunnel, évidemment, il ne l'avait plus. Mais il était rudement calme pour quelqu'un qui vient de faire un coup pareil. Il n'y avait pas deux minutes... Mais de faire quoi? De faire quoi? Mais de tirer sur l'amiral, pardi! Mais vous êtes fou, qu'est-ce que vous racontez là? Mais je l'ai très bien vu, je suis pas myope. Si j'étais le seul à l'apercevoir, c'est parce que j'étais grimpé tout là-haut, au pied du monument, je vous l'ai déjà dit. Et je suis bien certain d'être le seul, parce qu'on lui a fichu une paire royale depuis tout à l'heure. Aussi, quand je l'ai revu... Mais comment pouvez-vous être sûr que ce soit le même? Mais j'en suis absolument sûr. Enfin, plutôt petit, large d'épaules, bedonnant et un chapeau de paille. Ça faisait moins de 100 mètres, vous savez, de l'endroit où j'étais. Enfin, bref, on a suivi le boulevard, tout du long jusqu'à la gare. Là, il a tourné à droite. Ah, attendez, attendez, je le vois qui fait signe au barman. Je termine vite. Nez écrasé, double menton... Yeux noirs très vifs, costume beige défraîchi, cravate, hein. Ça y est, je me lève. Fuller, oui. Fuller, mais où êtes-vous? Non, non, non, où allez-vous? Voilà. Il sort, je me sauve. Je vous rappellerai dès que je pourrai. Fuller a raccroché. Un communiqué de la police, à l'instant. Les enquêteurs ont déjà recueilli plusieurs témoignages intéressants. On précise en dernière minute qu'il serait sur la piste de l'auteur de l'attentat. Bon, diffusé. Le communiqué seulement, bien sûr. Mais il est complètement fou! Il ne va pas courir comme ça des heures après le premier venu! C'est ridicule! Qu'est-ce qui lui prouve que... De toute façon, je ne peux pas faire passer ça! C'est incohérent! Comment voulez-vous? Mais dites quelque chose à la fin! Et s'il avait réellement bien vu... S'il avait bien vu! Mais ça peut aller loin de faire pareil! On n'a pas le droit! Il faut absolument l'arrêter! Envoyer quelqu'un chercher! Prévenir la police! Et elle est déjà sur une piste! Ah, je vous en prie! Entrez! Docteur Obi, monsieur le directeur des programmes vous appelle d'urgence dans son bureau. Grimm, vous nous transmettez toutes les communications, n'est-ce pas? Et ne faites rien. On va bien voir ce qu'il va dire. Surtout, ne faites rien. Entrez. Ah. Asseyez-vous, Obi. Écoutez-moi bien. Je suis au courant de tout. J'ai tout suivi depuis le début. Je viens de vous entendre vous-même. Eh bien, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je connais Fuller, il m'était recommandé par des gens de confiance et c'est moi qui l'ai fait engager. C'est un garçon sérieux. Un peu trop enthousiaste, brouillon peut-être, mais sérieux. Je suis persuadé qu'il est sur la bonne voie. Mais, professeur Hitch... Je sais ce que vous allez dire, Robbie. Ou bien cet individu est notre homme et il faut le livrer sans délai à qui de droit, ou bien il n'a rien à voir avec l'attentat et Fuller se ridiculise. Que cette occasion Fuller se ridiculise, peu importe. Il a montré qu'il était capable d'initiative, c'est là l'essentiel. Dans l'autre hypothèse, je suis certain que Fuller s'arrangera en temps opportun pour alerter les autorités. Vous ne pouvez tout de même pas le faire renoncer si vite à une telle aubaine, n'est-ce pas? Néanmoins, nous courons ici deux risques opposés. Le premier, que le coupable échappe. Dans ce cas, faisons confiance aux spécialistes pour le rattraper, avec un signalement aussi précis. Et le second, qu'il veuille se débarrasser de cette ombre imprévue. Mais Fuller a le goût du risque, et sait qu'en pareille circonstance, il faut risquer. De toute façon, quoi qu'il arrive, un fait est acquis. C'est à lui que nous le devons. Seul de tous les réseaux, Radio Alpha a diffusé l'attentat en direct. Vous saisissez, comme moi j'espère, toute l'importance de l'événement pour l'avenir de notre station. Prestige, rayonnement, accroissement considérable du volume de notre publicité. Un attentat comme celui-ci, nous n'en revivrons peut-être plus avant 20 ans en direct sur les ondes. Mettez-vous dans l'esprit de l'auditeur moyen. Songez à la coïncidence. Sur un parcours de 15 km à travers la cité, que de carrefours propices, d'angles privilégiés. Où diable porter ses pas? En quel point précis piquer l'épingle sur le plan? Eh bien, à cette exceptionnelle croisée des chemins, Fuller est là, micro à la main, et les coups de feu fatidiques retentissent à la seconde même sur tout le territoire, dans des millions de foyers. Et grâce à qui, Obi? Grâce à qui? Le communiqué de l'hôpital. En dernière minute, l'amiral est décédé à 12h40 sans avoir repris connaissance. Diffusé. La 1, rappel de l'hôpital. Donnez-lui l'antenne. Pauvre amiral, une si belle tournée. Ici Ford, à l'hôpital Barnard. Eh bien, c'est à un moment tragique que je reprends l'antenne. Voici quelques minutes à peine, le médecin-chef est venu nous annoncer l'affreuse nouvelle. Chacun ici est frappé de stupeur. Dans la cour, je vois des gens pleurer silencieusement. Une vieille femme près de moi sanglote. Cependant, les personnalités continuent d'arriver. Le vice-président, le président du Sénat. Pour en revenir à Fuller, évidemment, dans l'état actuel des choses, il ne nous est pas possible de diffuser son appel. Attendons le prochain. Si la piste est bonne, comme j'incline à le croire, alors, tout à l'heure, nous ferons un petit montage de ces diverses communications. Nous couperons, élaguerons ici et là, recollerons, commenterons, bruiterons. Ça sera sensationnel. Mais, professeur Hitch... Sensationnel. Vous dites, Toby? Mais, et cette circonstance troublante? J'allais y venir. Ainsi, qui nous a informés? Notez en passant, Toby, comme les problèmes se déplacent. Les choses suivent leur cours, mais les questions dévient. Quant aux réponses, elles varient selon l'échelon. Celle-ci nous échappe encore, mais nous pouvons déduire trois choses de cette intervention. Premièrement, le tueur n'était pas seul. On l'imagine mal se délogeant de son embuscade quelques instants avant le passage du cortège pour aller téléphoner. Deuxièmement, les comploteurs nous faisant participer à leur mise en scène, quel bénéfice en retire-t-ils? Initiative dangereuse, remarquez-le. Ce n'est pas un surcroît de retentissement immédiat qui peut compenser le risque encouru de fournir un précieux indice à la police. Alors, eh bien, mon cher, restons circonspects. entre l'homme de la rue et le plus haut en poste. Dieu sait quel relais, quelle manigance. Souvenez-vous, Obi, l'accès aux grandes ondes est strictement réservé. Il faut une longue patience pour se hisser à la bonne écoute. Et où en étais-je? Ah, oui. Troisièmement, enfin, il est hors de doute que l'informateur entendait n'inviter notre réseau qu'au seul spectacle des coups de feu. Force nous est de conclure que son groupe suit actuellement d'un très mauvais œil l'initiative de Fuller. Dans l'hypothèse, bien sûr, qui est la mienne, où ce dernier a vu juste. En conséquence, Hobby, Fuller, en ce moment même, risque davantage que vous ne pensez. Raison de plus pour le faire revenir au plus tôt. Seriez-vous par hasard où il se trouve à cet instant? Mais il peut appeler d'une seconde à l'autre. Il suffit de lui donner l'ordre. Hobby, je lui ordonnerai de continuer. Sachez que la curiosité doit relayer l'initiative. Soutenir l'audace est de bonne politique et nous n'y risquons rien. Un communiqué de la police. Un suspect a été arrêté. Il est actuellement interrogé au commissariat du district Nord. Diffusé. Ainsi, nous n'allons pas tarder à être fixés. Le petit gros de Fuller ou quelqu'un intellectuel est flanqué sur qui nos anges gardiens ont jeté leur dévolu. Et s'ils retiennent ce dernier? Un suspect, que je sache, n'est encore qu'un faux coupable. Attendons la suite. Il devra appeler, bon sang. Il ne se rend pas compte. Soyez patient, Obi. Imaginez un peu quel sentiment l'anime. Son homme marche à grands pas sur le trottoir de l'avenue. Lui doit se dissimuler, conserver la distance, prévenir les changements de cap. Il croise un policier, va pour l'aborder, se ravise, trop tard. Ou bien l'autre flâne, regarde les vitrines, et mon Fuller se demande s'il a le temps de courir jusqu'à la cabine téléphonique qu'il aperçoit là-bas. Il calcule, tergiverse, le bonhomme repart. Il lui faut attendre la prochaine occasion. Mais y en aura-t-il une? Ou bien l'individu passe devant un cabaret, un cinéma, un music hall, s'arrête, hésite. Soudain, se décide, s'approche du guichet. Fuller attend impatiemment qu'il soit en possession de son billet. S'approche à son tour. Il pénètre dans la salle, cherchant des yeux dans l'ombre ce promeneur anonyme, désœuvré, qui pour lui seul... Mais peut-être doute-t-il alors d'avoir bien vu? Ou se prend-il brusquement à considérer toute cette affaire comme une vieille histoire depuis longtemps classée? Qui pour lui seul encore... Un peu problématique quand même, sous ce soleil, par cette chaleur, cette fatigue, est l'assassin de l'amiral. Ou bien il l'a perdu de vue. Je connais Fuller. Attentif, astucieux. Son métier le passionne. Il n'a pas pu se laisser berner. Fuller appelle de nouveau. Je vous le passe. Allô, ici Fuller. Hitch, à l'appareil. Je vous écoute. Ah, monsieur le directeur, voilà où j'en suis. C'est à ne pas croire. Mais je sais que vous me croyez, n'est-ce pas? Je vous crois, Fuller. Je viens de sortir du cinéma, il y a encore. Évidemment, je ne pouvais pas vous appeler de l'intérieur, mais ici, dans le hall, je ne risque pas de le manquer. C'est quand il est entré que j'ai failli le perdre de vue. Je ne m'y attendais pas. Tout d'un coup, il s'est décidé. J'ai cru qu'il avait tourné au coin de la rue, mais je suis revenu assez vite pour le voir disparaître dans le couloir. Alors, en gros, rien d'extraordinaire depuis tout à l'heure. Nous avons descendu le boulevard sud jusqu'à la 33e rue. Là, il a pris à gauche 33e ouest jusqu'à la plus proche avenue, puis à droite en direction du sud jusqu'au cinéma. Alors, je ne sais s'il a l'intention de continuer longtemps comme ça, mais quoi qu'il fasse, je ne le quitte pas d'une semelle. Pensez donc une chance pareille. Remarquez, il n'a absolument pas l'air de se méfier. Une seule fois depuis le canal, il s'est retourné pour regarder une femme. Il se promène exactement comme s'il venait de sortir du restaurant et rentrer chez lui pour faire la sieste. Il faut dire qu'il va beaucoup moins vite maintenant. Hein. J'ai croisé un flic il y a quelques minutes, j'ai failli l'aborder. Et puis non, je me suis dit que je devais continuer coûte que coûte. Jusqu'ici d'ailleurs, il ne m'en a coûté que la soif et la transpiration. Puis j'ai mal aux jambes aussi. Il allait vraiment très vite au début. Alors sauf si vous me dites de revenir, hein... Non, non, Fuller, continuez, c'est un ordre. Je vous suis. Continuez. Bon, alors, comme je ne pouvais pas téléphoner de la salle, j'y ai fait un petit enregistrement, vous allez voir. C'est rudement pratique, hein, ces appareils miniatures. Une seconde, attendez, voilà. Je viens de m'asseoir près de la rue centrale, à l'un des derniers rangs. Je suis obligé de parler très bas. Je ne vois pas grand-chose encore. voici une image plus claire. Je suis heureux de vous voir tant de cœur à l'ouvrage, général. Oui, je le vois. Je l'aperçois à quelques rangs devant moi. Ça brûle! Ces jeunes brillants ont ce qu'ils méritent! Il y a très peu de monde dans la salle. Il regarde l'écran. Les valeurs spirituelles font reculer partout la subversion. Il n'a pas l'air soupçonneux le moins du monde. Il est là comme un simple spectateur. Votre bénédiction nous sera toujours précieuse, cardinal. Mais il vient de bouger. Il va se lever. Vite, je me faufile. Voilà, je suis sorti précipitamment. C'était une fausse alerte. Il est toujours dans la salle. Il va peut-être rester jusqu'à la fin, ça doit durer 10 minutes encore. Je m'en souviens très bien, j'ai vu la semaine dernière. Je reste en ligne de toute façon jusqu'à ce que... Ah, le voici. Hey, il vient de passer la porte. Il allume une cigarette. Jette un coup d'œil aux photos dans le hall. Sors, je vous quitte, hein. Dès que je pourrai, de nouveau, je vous rappelle. Ah, j'oubliais, il paraît que l'amiral est mort, hein. Fuller a raccroché. C'est bon, attendez mes instructions. Si vous voulez mon avis, professeur Hitch... Dites. Eh bien, ce type n'a rien à voir avec l'affaire. Fuller perd son temps. Au moins, n'est-ce pas dangereux, ni pour lui, ni pour nous. Parents perplexes, et vous, jeunes gens, qui rêvez de reconstruire le monde, l'Institut Autonomia met à votre disposition le lieu d'action idéal. Loin de la ville et de ses troubles, dans un cadre enchanteur, vous confronterez tout à loisir les idées les plus radicales. Vous vous adonnerez en toute quiétude à la... Quand cela se fait, Hobby, ils ont toujours utilisé ce matériau sonore. Une vague intrigue pour relier ces fragments, un bon montage, et nous aurons là à peu de frais un petit suspense fort distrayant. L'amalgame, Hobby. Documentaire et fiction. L'amalgame. Entrez. Professeur Hitch, monsieur le chef de la publicité vous mande d'urgence dans son bureau. Voilà. Hobby, faites-nous transmettre toutes les communications. Et calmez vos craintes. Entrez. Asseyez-vous, Hitch. Écoutez-moi bien. Je suis bien sûr au courant de tout. Le direct de Fuller et ce qui a suivi. Je viens de vous entendre. Alors voilà. Ma réaction à l'événement en cours est totalement opposée à la vôtre. Fuller doit arrêter ce jeu. Ce jeu, monsieur Jobert ? Ce jeu. Je suis très mécontent de son initiative. Je ne vous le cache pas. Si, comme je le pense, il ne tarde pas à rappeler, je lui ordonne de rentrer immédiatement. Et s'il n'obtempère pas, je l'envoie chercher. Même s'il ne précise pas sa position. J'en ai les moyens, croyez-moi. J'aimerais seulement qu'il ne soit pas trop tard. Trop tard? Vous craignez vraiment pour sa vie? Exactement. Car il est un point sur lequel nous tombons d'accord, Hitch. J'ai tout lieu de croire, moi aussi, que Fuller est sur la bonne piste. N'est-ce pas? Fuller, tel que nous le connaissions, ne pouvait pas s'être lancé. Hitch, je n'ai jamais vu Fuller. Je n'avais même jamais entendu parler de lui jusqu'à ce jour. Mais j'ai déjà un peu trop entendu parler de lui. Je ne vous suis plus. Ne si m'obligez vous... pas à me répéter. Ce n'est pas l'heure des discours. Mon petit schéma ne vous sert-il plus qu'à impressionner ce malheureux Hobby? Mais, monsieur Jobert, il me semble opportun de vous le remettre en tête. Rappelez-vous donc ceci, Hitch. Entre les ondes courtes, l'anecdote, celle de l'homme de la rue, de Fuller, et les grandes, qui se propagent à haute altitude, vous ne relayez jamais à votre échelon, si élevé soit-il, que les faits d'intelligibilité courante. Interprétation commune, convenue. Hobby, de son 20e étage, n'a qu'une vue restreinte de l'actualité. Vous-même, bien que logé 10 paliers plus haut, ne percevez encore que faiblement ces ondulations amples que, de notre plateforme, munie de toutes les antennes et de tous les leviers, nous interceptons avec vigilance et filtrons avec minutie. Cette lente initiation verticale à laquelle vous aspirez requiert, vous le savez, une discrétion extrême et un dévouement de tous les instants aux intérêts du réseau. Et vous n'en doutez pas, les derniers degrés sont les plus ardus à gravir. J'abrège. Comme vous vous êtes involontairement coupé avec le scandale des élections toute possibilité de retraite décente et que j'ai par ailleurs fort besoin d'un second éprouvé, je crois l'occasion venue de vous mettre à l'épreuve. Ce rappel n'était pas de pure forme, Hitch, et la verticalité s'entend à double sens. Revenons à notre homme. Je vous ai dit que je ne le connaissais pas. Si je pense néanmoins qu'il est sur la bonne voie... Fuller vient d'appeler. Je vous le passe. Allô? Voilà, je me trouve dans une cabine téléphonique sur le trottoir face à l'église dont je surveille les deux issues. Il est... Fuller, j'ai à vous parler. Oui, comment j'entends très mal? Fuller, écoutez-moi. Je n'entends rien de ce que vous dites, mais je suis très pressé, je résume. Je l'ai suivi quelque temps sur l'avenue. Il a traversé, est entré presque aussitôt dans l'église, juste à l'angle du parc. Je l'y ai suivi, évidemment. J'y ai écouté. Je vais vous passer ça tout de suite. Il peut ressortir d'une minute à l'autre. Fuller, je vous ordonne de... La nef est presque vide à cette heure-ci. Seule manifestation d'activité, l'organiste s'exerce. Deux vieilles femmes sont agenouillées au premier rang et prient. Une autre porte un cierge à un autel latéral. Il est assis sur une chaise dans la rangée de droite et reste là sans bouger. Je me suis dissimulé derrière un pilier et l'observe sans risque aucun qu'il remarque ma présence. Il ne semble d'ailleurs pas plus se soucier que précédemment de savoir s'il est suivi ou non. Seule la chaleur le préoccupe. Il sort son mouchoir. Il s'éponge le front. La fatigue doit commencer à jouer pour lui aussi. Voici qu'il se lève. Gagne l'allée latérale. S'approche d'un confessionnal. Je vois un prêtre qui entre dans le confessionnal. Il y entre à son tour. Il s'agenouille. Il rabat le rideau. Mais il se confesse. Il se confesse. J'en crois pas mes yeux, mais je vais profiter de ce répit, je vais essayer d'appeler. Fuller, écoutez-moi, c'est un ordre. Comment, excusez-moi, je vous entends très mal. Fuller, je vous ordonne de rentrer. Vous me donnez toute liberté? Rentrez, revenez tout de suite. Je veux absolument que vous... Le voilà qui sort par la grande porte. Il se recoiffe, descend les marches. Le voici de nouveau sur l'avenue. Oh, il repart en sens inverse. Il rebrouche chemin. Il revient vers le centre. Il regarde sa montre. Jette un coup d'œil circulaire. Semble chercher. Je vous quitte. Dès que je pourrai, de nouveau, je vous... Fuller a raccroché. Attendez mes instructions et passez-moi immédiatement Dempfer. Monsieur Jobert, à vos ordres. Partez au plus vite avec tous vos véhicules, recherchez Fuller sur les avenues 1 à 15, district sud et rue transversale. Patrouillez jusqu'à ce que vous le trouviez. Emparez-vous de lui et conduisez-le en lieu sûr. Compris, monsieur Jobert. Vers le centre. Rebrousse chemin et reviens vers le centre. Un communiqué de la police. Les services chargés de l'enquête ont acquis la preuve que le suspect appréhendé est bien l'assassin de l'amiral. L'arme du crime a été retrouvée à son domicile. L'homme, un nommé Leonard Newborn, va être conduit incessamment au commissariat central. C'est bon, diffusé. La 2 appelle du commissariat central et demande l'antenne. Donnez-la lui, aussitôt après. Hitch, la police tient son coupable. Pourtant, Fuller n'a pu, c'est bien, Hitch, persévérer. Mais écoutons un moment les ondes courtes. Vous qui vous échauffez pour un rien, et vous, sujet aux sueurs froides, foin de la politique, laissez à d'autres ce souci. Plus de convictions désuètes, plus d'idéaux superflus. Le beau monopole effacera tout scrupule. Le beau monopole vous laissera sans problème. Ici Flaherty, je vous parle du commissariat central où depuis quelques instants règne la plus grande animation. Le communiqué que vous venez d'entendre a été publié voici une dizaine de minutes et chacun s'attend à voir arriver très bientôt la voiture amenant celui qui... Et voici, comme promis, un écho des grandes. Vous vous demandiez avec juste raison qui avait pu informer Fuller du lieu de l'attentat. Eh bien, Hitch, c'est moi qui l'ai fait prévenir. Vous ? Moi. Je ne vous en dis pas plus. Une ligne générale guidera vos méditations, la renommée du réseau, son gain d'audience et de profit. Cela suffira aujourd'hui à votre initiation. Les détails importent peu. Maintenant que le hasard s'en soit mêlé pour la plus grande jubilation de Fuller, c'est une autre affaire dont je cherche à prévenir les effets. Voilà, Hitch. Faites-en votre profit. Ayez la bonté de me laisser seul à présent. Je dois réfléchir quelque peu. Colonel Kazuki, j'ai à vous parler d'urgence. Je vous attends, je veux. Faites passer toutes les communications chez Monsieur le Président. Eh bien, Jabert, quelle rude journée. Tout à fait remarquable, ce nouvel enregistrement. Une richesse de timbre. Colonel, les choses ont pris un tour inattendu. Quoi ? Que ce brave Fuller fasse du zèle ? C'est tout à l'honneur du radio-journal. Que Fuller ait regardé juste dans la direction intéressante à la seconde voulue, c'est un bon point pour lui. Qu'il ait réussi à filer ce type une heure durant sans encombre et à nous renseigner par trois fois témoigne de son astuce et de sa décision. Mais qu'il soit sur le point de découvrir tout seul, sans le vouloir, ce que nous avions jugé plus sage de garder dans l'ombre, voilà qui ne saurait vous laisser de marbre, je suppose. Jobert, tenons-nous-en au terme du traité. Monseigneur, que je viens d'avoir au bout du fil, est formel sur ce point. Nous avons pourvu aux subsides, ils nous ont renseigné à la minute près. Le succès de leur cause contre l'extension de notre réseau. C'est un tournant dans l'histoire de l'information, Jobert. L'organe de relais, devenu tout puissant, concourt à créer l'événement, s'en assurant du même coup la retransmission exclusive. Cercle idéal. Et Quel report de profit en perspective. Les esprits comploteurs n'iront plus s'adresser aux groupes d'appui traditionnels. D'ores et déjà, nous pouvons mettre à leur disposition bien davantage. Un jour prochain, il ne se produira plus de fait capital où nous ne nous soyons assurés une part de fondateur. Voyons, grand Jobert, ceci n'est qu'un début. Nous engageons l'histoire. Pour s'en tenir à aujourd'hui, chacun a lieu d'être satisfait. Il y aura une version officielle, un coupable officiel. Rien, en somme, qui ne déroge tellement à la coutume. Où il y a entorse à la coutume, c'est quand un hurluberlu plein d'allant se révèle de taille à ruiner la version officielle, et par voie de conséquence à remettre en cause nos accords, pour ne rien dire d'une publicité dont, pour une fois, je réprouverai le principe. Car s'il était facile de lui faire garder silence sur le coup de téléphone du café, il sera beaucoup moins aisé de le persuader. Mais que voulez-vous dire ? Ceci, très simple. Il est le seul à connaître le vrai coupable. Et depuis quand un témoignage unique ? C'est ce que je me disais, mais... Mais ? Eh bien, si ce qui m'est venu à l'esprit il y a quelques instants avait effectivement quelque chose à voir avec le couronnement de leur mise en scène... Qu'est-ce que vous racontez ? Un soupçon, colonel. L'ombre d'une intuition. Eh bien, dites, bon Dieu. L'homme, au sortir de l'église, revenait sur ses pas. Revenait vers le centre. Et alors ? Le coupable officiel, lui aussi, est en route vers le centre. Et vous, Jobert, où vous conduit cette géométrie ? Les deux pistes convergent, désormais. Fuller, si je devine juste, se trouvera bientôt au point d'intersection. Il n'en sait rien encore et n'est évidemment préparé à rien de tel. C'est en un éclair que s'imposera à lui l'incompatibilité radicale des deux séries de faits, et ce, par sa résolution brutale, la substitution d'un individu à l'autre. Sur le moment, il ne comprendra pas. Il se bornera à décrire. Heureusement, il n'aura pas l'antenne. Mais tout de suite après, il comprendra. Et il sera le seul à saisir la vérité. Lui, totalement extérieur au cercle du complot. Quelque chose m'échappe cependant. Comment opérerait-il ? Mettons-nous à l'écoute. Il semble qu'ils ne doivent plus tarder maintenant. Il y a bien une cinquantaine de personnes dans le hall du commissariat. Des photographes pour la plupart. Chacun tient son appareil prêt pour le moment où la voiture amenant l'assassin s'immobilisera devant l'entrée. Votre pressentiment me gagne. Il m'apparaît urgent de dérouter Fuller. Empêchons-le d'atteindre le commissariat. Empêchons-le à tout prix d'y entrer. Envoyons Denfer à sa recherche. Denfer a des gens en chasse, mais dans le district sud. Et au moins qu'il l'ait eu par chance la même idée que moi. Alors, mon vieux, il faut y aller vous-même immédiatement. Sans doute d'avoir pris courageusement ses responsabilités en venant saluer dans notre ville une population. Fuller appelle du commissariat central. Je crains qu'il ne soit trop tard. Allô, ici Fuller. Ce qui se passe est incroyable. J'ai réussi à occuper la dernière cabine libre. Oui, j'en crois pas mes yeux. Il a franchi la porte du commissariat, on lui a même pas demandé ses papiers. J'ai cru voir, pour comble, un gardien lui faire un signe. Son taxi s'est arrêté juste devant l'entrée. Il l'avait pris un peu après avoir quitté l'église. Le mien est arrivé tout de suite après. J'ai eu une de ses chances. J'ai bien failli rester en plan là-bas sur l'avenue. Il montait déjà les marches quand je suis arrivé. Maintenant, il est là, au milieu d'une cinquantaine de curieux à attendre je ne sais quoi. Je vois beaucoup de photographes, j'ai hésité un peu avant d'appeler, mais j'ai failli leur crier qu'il était là, que c'était lui, et puis j'ai aperçu la cabine vide. Alors je me suis dit qu'il fallait aller jusqu'au bout. Maintenant, je vais aller les alerter. J'aperçois Flaherty là-bas, au bout du hall. De toute façon, comme ça, il y a quelqu'un à l'antenne. Mais plusieurs policiers se massent devant l'entrée. Il y a une voiture. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Fuller a été coupé. Ah. Eh bien, Denfer a eu la même idée. Il était temps. Il était temps. J'hésite encore. Le dénouement va vous convaincre. Il monte les marches, c'est un grand jeune homme blond, très maigre. extrêmement pâle, entouré de 4 policiers suivis de plusieurs inspecteurs en civil. Ils sont maintenant dans le hall. Newborn a l'air à la fois farouche et accablé, il est en bras de chemise. Ses poignets sont attachés, je distingue une balafre sur sa joue droite, un peu de sang. Le petit groupe approche, va passer devant Noom. Mais que se passe-t-il? Mais c'est incroyable, un homme! Tout le monde se précipite! Newborn s'est écroulé! Je ne le vois plus! Il est au milieu, un homme! Un homme a surgi sur la droite, a brandi un revolver! Personne n'a pu s'interposer, il a tiré presque à bout portant! On apporte un brancard. Toute la scène était si rapide, personne n'a pu. Le meurtrier est désarmé de policiers les ceintures. Mais il n'a rien fait pour s'enfuir. Le regard de droit devant lui, sans expression. C'est un petit homme replet, bedonnant, on est écrasé. Des yeux noirs, très vifs. Son chapeau de paille est tombé sur le carrelage. On le piétine. Quelqu'un le ramasse. Il est là immobile, très calme, comme si toute cette scène ne le concernait pas. D'autres policiers arrivent, les inspecteurs l'entraînent vers l'escalier. Les photographes les suivent, les mitraillent. Je ne le vois plus que de dos. Maintenant, il s'éloigne, tourne au bout du hall, disparaît. Substitution réussie, Jobert. Vous aviez deviné juste. Substitution du vrai coupable au faux, mais pour un crime moindre. Il passera pour le vengeur et sera pardonné. J'aurais dû y penser plus tôt, sitôt l'annonce que le faux avait été trouvé. Un peu plus et Fuller découvrait le poteau rose. Ces gens ne manquent point d'invention. Et quelle maîtrise dans l'exécution. Faudra-t-il se méfier d'eux? Se méfier d'eux? Peut-être ont-ils encore besoin de nous. Ne regrettons pas nos facilités de trésorerie. Dès demain, nous en compterons les fruits. Et ce brave Fuller? Fuller aura de l'avancement, sans délai. Mais si ces scrupules... Nous saurons effacer toute trace de scrupules. Honorons les talents. Initiation verticale accélérée. Grimm. Oui. Ici Jobert. Vous avez toute liberté pour la suite des événements. Autant de flashs que vous jugerez utiles, c'est cela. Ah, faites-moi monter les bandes de Fuller. Bon. Tout de suite, oui. Que diable allez-vous en faire? J'y trouverai d'excellentes matières à annonce. En choisissant de bons passages, je couperai, je gommerai, je collerai. Tout montage réussi porte sa part de vérité. De ces paroles sans écho, je ferai des slogans. Pour la bonne règle, j'en parlerai à Monseigneur. Mais je suis sûr qu'il sera d'accord. Vous avez toute l'attitude. Rafraîchissons-nous, mon cher. Nous avons bien gagné notre journée. À l'avenir du réseau. À l'avenir en direct. Il a marché bon train depuis une heure. Quelqu'un qui vient de faire un coup pareil. Par cette chaleur en plein midi. Et bien sûr, il a soif. Passe devant un bar, hésite. Mais il ne peut plus y tenir, il entre. Eh oui, il entre et comment résister? Il brave le risque, il sait que seul Publisoda peut le désaltérer. Publisoda, un délice après l'action. Publisoda, le nectar du cogne. Publisoda, le rafraîchissement du tueur. France Culture vous a présenté L'attentat en direct, la carte blanche de Claude Ollier. Avec José Arthur, Daniel Hivernel, André Torrent, Yves Duchâteau, Paul Riégère, Gaëtan Genre, François Darbon, Sylvie Hartel, Pierre Pernet, Pierre Perroux, Jean Belot, Jean-Pierre Lituac, Jacques Maire, Jean-Roger Caussimon, Marcel Lestan, René Clermont, Jean-Yann, Nicolas Amato, Nicole Tabaglio, Patrice Marly, Françoise Vercruissen. chef opérateur du son, Guy Louvet. Collaboration technique, Yvette Hubeau. Assistante, Paulette Gillan. C'était une émission de Lily Sioux, réalisée par Georges Perroux. Thank you.